toi dans la rivière, et alors dans les clairières, traverse les champs de primevère. Les fleurs caressent ta crinière, leurs épaules sur tes paupières. Le jour est beau, le ciel est clair. Elle est tout entière dans tes pensées. Quand tu chevauches dans la vallée, tu te rappelles de cet été dans la vallée. Tu avais le cœur serré. Au bord du lac, elle se bouait. Au bord du lac, c'était l'été. Tu avais le cœur serré. Elle est tout entière dans tes pensées. Quand tu traverses la vallée, en larmes, il ne te reste plus que les larmes. Dans la vallée, l'écho de ses rires rebondit dans tes souvenirs. L'écho rebondit, te blesse, comme te manquent ses caresses. Ses jours heureux en liesse, journaleuse tristesse. Mure-toi dans la rivière, galop. Traverse les champs de primevère. Sincèrement, à quoi ça sert? Machinalement, courir à l'envers. Décidément, la vie n'est pas.